sabre aux vastes rivières. Hier, tous des visages éthiques se meuvent, faute de n'avoir pu plaire. Des centenaires oubliés pleurent, le feu sointe des prunelles. C'est elle la sœur qui les écœure, comme un haut de violoncelle. Nous tous savions à parodier la vie, qui jouit, qui rit et s'amuse, à saler la chute de la pluie, filtrer la lumière diffuse. Le triste sacrifice des matrices, actrices de l'existence, s'achève dans un petit hospice où je récite distance. Nous tous savions à parodier la vie, qui jouit, qui rit et s'amuse, à saler la chute de la pluie, filtrer la lumière diffuse. Prière maculée de la peur, je cherche vainement Dieu. Bon ou mauvais, qu'il combatte l'aigreur qui acidifie les yeux. Les tristes rituels et les appels de pharisiens dissimulent des haleurs brisées que